Cours numéro 1. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira amma ba'd. Enfin, on commence aujourd'hui, bi'idhnillahi azza wa jal, l'étude de cette risala at-tabukiyya l'imam Abi Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr al-ma'ruf ibn Qayyim al-Jawziyya rahmatullah alayhi. هذه الرسالة نفيسة جدا. Cette risala que l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala il a écrite, elle est très très profitable, très bénéfique, walillahi alhamd. Wahia mukhtasara, et kadhalik elle est très résumée, quelques pages. On l'a choisi pour hadha al-shahr al-mubarak. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa-sadad. Qala rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in, wa alayhi natawakkal. قال الشيخ الإمام العالم العلامة محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رضي الله عنه وأرضاه في كتابه الذي سيره من تبوك ثمان من المحرم سنة 333 من الهجرة النبوية بعد إرسال المنظومة التي أولها إذا طلعت شمس النهار فإنها إلى آخره. هذه الرسالة كما قال هنا أحد كأنه من تلاميذ الإمام ابن القيم رحمه الله un de ses élèves أو un savant qui a propagé cette رسالة على كل حال بيّن أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى il a écrit cette رسالة في تبوك quand il était à Tabouk, rahimahullahu ta'ala, n'am, qala fil hashiya, dans une autre nusra, kitabuhu alladhi katabahu fi sayri, et dans une autre nusra, fi rihlatihi ila Tabouk. Ala kulli hal, il était en voyage, rahmatullah alayhi. Et quand il est arrivé à Tabouk, Tabouk c'est fi al-mamlakati al-arabiyyati al-saoudiyya, dans cette ville, au nord de Al-Madina. Il a écrit cette risala comme conseil. Conseil pour ses frères, talabat al-ilm. Kama abayyana rahimahullah, comme il a montré à la fin de la risala, annahu il a écrit ce livre, cette risala, pour rufaqa'uhu fi talab al-ilm. Pour ses frères, ses amis, fi talab al-ilm, ses proches. Rahmatullah alayhi. Hada fi as-safar. Ça montre inayatu ahli al-ilm bi an-nushh wa an-nasiha même fi as-safar. À la base, l'insan fi as-safar, quand il voyage, il est occupé par certaines choses et la shak annahu il est fatigué en général. Il n'est pas stable et annahu il se déplace d'un endroit à un autre. Fama'a hada, cet imam, rahmatullah alayhi, fi seyri, et pendant son déplacement, quand il est arrivé à la ville de Tabouk, rahmatullah alayhi, il a conseillé ses frères, talabat al-ilm. Et ta'lamoun anna le voyage à leur époque, c'était beaucoup plus difficile qu'à la nôtre. Amma, à notre époque, tu peux te déplacer de Tabouk à l'extrémité de ou un endroit plutôt très très loin et en quelques heures. À leur époque, c'était difficile. Wa ma'a hadha, hadha al-imam rahimahullah, il a pensé à conseiller ses frères, talabat al-ilm, avec hadhihi an-nasiha al-jamila. Et tu comprends pourquoi hadhihi ar-risala elle a comme titre At-Tabukiyya, en référence à cette ville, Tabouk, fi Al-Hijaz. إيه وبعض العلماء il l'appelle كذلك زاد المهاجر. الزاد c'est les provisions, المهاجر c'est celui qui fait الهجرة. ابن القيم رحمه الله هذه الرسالة رحمه الله il l'a écrit et comme base il a expliqué قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. C'est la base de cette risala, à ce verset. Et il l'a expliqué, rahmatullah alayhi. Kadhalik, fi hadhihi al-risala, il a insisté sur al-hijra ila Allah azza wa jal. Pas al-hijra, le fait de se déplacer d'une terre de kufra à une terre de mécréance, là. Al-hijra, c'est un sens plus vaste. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a expliqué ce sens qui est plus général. Et le fait de délaisser les péchés pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de adorer Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement pour pouvoir rentrer fil jannah. Mais idnillahi azza wa jal. Fali hada ba'da al-ulama, ils ont appelé hadihi risala zadul muhajir. Aïe, les provisions de celui qui veut satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Les provisions du mu'min fi hadha as-safar al-azim, dans cette dunya. Cette dunya, on est tous en voyage, on est tous fi safar. Et le mu'min, il a un objectif, c'est ridha Allah azza wa jal. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il soit satisfait de lui, hatta il profite de la récompense fi l'akhira, dans l'au-delà. Enfin, pour tout ce voyage, ce cheminement, akhil karim, tu as besoin de hadha az-zad al-azim. Tu as besoin de provisions, comme le voyageur. Fait dunya, s'il se déplace d'un point A à un point B, il a automatiquement besoin de provisions. فهكذا المؤمن في هذه الرحلة العظيمة, dans ce voyage, dans ce bas monde, il a besoin de provisions. فابن القيم رحمه الله, il a écrit cette risala à ses frères طلبت العلم pour les conseiller sur ses provisions, l'importance de ses provisions, la priorité, كذلك les mérites, les bienfaits. فنسأل الله عز وجل أن يرحمه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فصل قال وبعد حمد الله بمحامده التي هو لها أهل والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه يقول في كتابه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Donc الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى il a commencé par الحمد لله عز وجل فجميع المحامد لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى نحمده على أسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته عز وجل. لماذا؟ لأنه il a les noms parfaits, les attributs parfaits عز وجل. C'est lui le créateur, c'est lui qui mérite l'adoration. فنحمده, on le loue pour cela. كذلك نحمده على نعمه الكثيرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كذلك on doit être reconnaissant par rapport à tous ses bienfaits. الله سبحانه وتعالى أكرمنا بأعظم نعمة, le plus grand bienfait, الإسلام والإيمان. كما قال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلهذا العلماء دائما dans leurs livres, ou la plupart du temps, ils commencent imma par al-basmala, imma par al-hamd, imma les deux. فعلى كل حال, المؤمن دائما, il faut qu'il يكون قلبه ذاكرا ولسانه شاكرا. Toujours on doit se rappeler avec notre langue, on doit être reconnaissant avec notre cœur et nos membres. والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل البشر, أفضل الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. فإن الله سبحانه يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه الآية العظيمة كما تقدم الإمام ابن القيم رحمه الله l'a pris comme base et s'est appuyé dessus pour ce conseil. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال رحمه الله وقد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم أي فيما يتعلق بدنياهم ودينهم وآخرتهم. Tout ce que tu as besoin pour ton din et كذلك pour ce bas monde et كذلك pour l'au-delà. C'est cité huna dans ce verset globalement. وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. قال ابن القيم رحمه الله فيما بينهم في بعضهم بعضا وفيما بينهم وبين ربهم. تأمل هذا قوله عز وجل وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Ça concerne tout ce que tu auras besoin في هذه الدنيا avec les autres. وتعاونوا, tu dois t'entraider في البر والتقوى. البر والتقوى كما سيأتي إن شاء الله تعالى c'est le bien. Tout le bien rentre في هذه الكلمة العظيمة البر. وهكذا التقوى. قوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان c'est l'inverse. الإثم c'est le mal. وقوله واتقوا الله c'est ما بين العبد وبين ربه. أي c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, celui qui mérite l'adoration. Donc قوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان c'est فيما بين العباد في بعضهم بعضا كما قال الإمام ابن القيم. وقوله واتقوا الله هذا فيما بينهم وبين ربهم. C'est pour ça que ce verset il est جامع, il englobe beaucoup de bien. كما قال ابن القيم رحمه الله غبت وقد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم فيما بينهم في بعضهم بعضا وفيما بينهم وبين ربهم. والتعاون لانتخد فكما قال عز وجل سي على البر والتقوى. اي البر والتقوى ça englobe tout le bien, que ça soit dans notre din concernant notre religion ou par rapport à notre dunya concernant les choses de ce bas monde. فاعظم, la chose la plus importante dans laquelle on doit s'entraider c'est العلم, c'est la science et la mise en application. واعظم العلوم, la science la plus importante بإجماع أهل العلم c'est التوحيد. C'est le premier fondement, le premier pilier. الشهادة et bien sûr qui est fondé sur الإيمان بالله, la croyance en Allah عز وجل. Donc on doit s'entraider في هذا الباب. On doit s'entraider في العلم, s'encourager. Et كذلك on doit commencer par le principal, la priorité. التوحيد, unifier Allah subhanahu wa ta'ala, apprendre notre aqidah, كذلك apprendre la voie des égarés, hatta on montre à nos frères croyants le danger de al-bid'ah, qabla dhalik le danger de la mécréance, كذلك on donne de l'importance aux autres piliers de l'islam bien sûr, as-salah wa az-zakah wa as-siyam wa al-hajj. هذا أعظم ما يتعاون فيه. كذلك التعاون dans tout ce qui concerne le comportement entre المؤمن et son frère المؤمن. Si un croyant il a besoin de quelque chose, son frère المؤمن il doit faire des efforts. قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. كذلك on doit s'entraider pour s'écarter du haram. On doit s'entraider pour s'écarter du haram. Et on ne doit pas s'entraider à faire du haram. Enfin, ce n'est pas minan nusr. Ça fait pas partie du bon conseil de se taire sur Al-Munkar, sur le mal. Et Kadalik, ça fait pas partie du bon conseil d'aider son frère à faire un mal. Là, même si ce musulman, il le prend mal, Annahu, tu ne veux pas t'entraider dans telle chose parce que c'est haram, ne pense pas que l'aider dans ce cas, fermer les yeux dans ce cas, c'est pour son bien. Ou ça va lui être utile. Ou ça va être utile pour toi. Ça nous montre un ta'awun, l'entraide. Dans la Ummah, c'est très très important. Dans notre communauté, ben c'est un des fondements de notre dîn. Et cette entraide, elle est définie huna dans ce verset. On ne s'entraide pas dans ce qu'on veut. Ou par rapport aux passions, ou par rapport aux sentiments. Ou pour ne pas vexer un tel, là, at-ta'awun, il doit être fondé à l'ilm. Et il doit être fondé à la mutaba'ati Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Falihada qala azza wa jal, wattaqullah, craignez Allah. Et la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, elle est fondée sur l'iman, sur la croyance en Allah, subhanahu wa ta'ala. At-taqwa, elle est fondée sur le suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Thumma qala azza wa jal, inna Allah shadidul iqab. Hada, c'est un rappel pour chaque mu'min. Anna, rappelle-toi toujours, et n'oublie pas, akhi al-karim, anna yawm min al-ayyam, anna yawman min al-ayyam, on aura des comptes à rendre. Et kadhalik, on doit se rappeler, anna iqab Allah azza wa jal, il est shadid. Al-iqab, c'est la punition. Qawluhu shadid, ay Allah subhanahu wa ta'ala, il est très très dur en punition. Subhanahu wa ta'ala. Fahada, c'est pour nous rappeler, pour nous réveiller, pour qu'on sorte de notre insouciance. Wattaqullah, inna Allah shadidul iqab. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a expliqué dans cette risala ce verset en détail avec des autres fawaïd. Qala rahimahullah, fa'inna kull abdin لا ينفك من هاتين الحالتين وهذين الواجبين واجب بينه وبين الله وواجب بينه وبين الخلق. Chacun de nous, on est concerné. À partir de Huna, tu t'aperçois et tu comprends encore plus l'importance de l'étude de ce genre de rasa'il. Khassatan anna al-mu'allif, celui qui a écrit cette risala, c'est min a'immati as-sunna wal-islam. الإمام ابن القيم رحمه الله بيّن هنا أن chacun de nous, كل عبد, chaque être humain, لا ينفك من هاتين الحالتين. إما, il a une obligation entre lui et Allah سبحانه وتعالى, et Allah سبحانه وتعالى lui a ordonné une chose, il doit faire une chose, il a un devoir, etc. إما واجب بينه وبين الخلق. إما, une obligation à remplir par rapport à un autre être humain. Mathalan, ses parents, mathalan, ses enfants, mathalan, son épouse, mathalan, ses voisins. Kadhalik, lui-même. Qala, fa'amma ma baynahu wa bayna al-khalq min al-mu'asharati wal-mu'awanati was-suhbati fal-wajib 'alayhi fiha an yakuna ijtima'uhu bihim was-suhbatuhu lahum ta'awunan 'ala mardatillah wa ta'atihi. Amma, concernant l'entraide entre lui et les autres parmi les êtres humains. فقال رحمه الله من المعاشرة والمعاونة والصحبة, que ce soit tes fréquentations, que ce soit par rapport à l'entraide avec tes frères croyants. قال فالواجب عليه فيها أن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاونا على مرضات الله وطاعته. Cette entraide, elle doit être fondée sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le but de cette entraide, c'est de satisfaire Allah azza wa jal. Wa hadha, c'est un point très très important. Les anna, si notre but c'est plus cela, on va s'entraider, imma pour gagner un profit de dunya, pour de l'argent. S'il y a une somme à gagner, de l'argent, on s'entraidera. S'il n'y a plus d'argent, on ne s'entraidera plus. Kadhalik, on s'entraidera avec ceux qui ont une certaine popularité, et on délaissera al-masakin, les pauvres par exemple, et hada, c'est très très grave. Emma, on s'entraidera par rapport au nombre, pour se montrer. Si on peut se faire connaître, on s'entraidera pour cet objectif, Iyadan Billah. Si s'il n'y a pas, maintenant, un grand nombre, et cette entraide, elle passe inaperçue, on ne fera plus d'efforts. Ah, là, c'est très, très grave. Innamal a'malu bin niyyat. Ça revient à l'intention. Falihada qala rahimahullah, ou falwajib alayh, et fiha an yakun ijtima'uhu bihim wa suhbatuhu lahum, ta'awunan ala mardatillah wa ta'atih. Si notre objectif, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous. Si notre objectif, c'est l'obéissance d'Allah azzawajal, même si on est peu, même s'il n'y a pas d'argent, même si on est critiqué, même si on est accusé, on continuera à s'entraider. Pour Allah azzawajal, l'imada li anna cette entraide, c'est une adoration. Et cette adoration, Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis une énorme récompense. Amma, cet argent, bardenas, il s'entraide quand il y a de l'argent. L'argent, ça vient, ça part. Et l'insan, il n'emmènera pas son argent avec lui dans sa tombe. Bardenas, kadalik, il s'entraide pour se montrer. Les gens, ils vont te féliciter, ils vont te complimenter, ils vont te citer en bien. Et après, si Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas satisfait. فالواجب عليه أن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاونا على مرضات الله. يتأمل قوله أن يكون اجتماعه بهم وصحبته. أي notre objectif quand on se rassemble et كذلك nos fréquentations, notre objectif principal ça doit être هذا. Ça nous montre l'importance des fréquentations. أما si tu as des mauvaises fréquentations, أخي الكريم, ils t'éloigneront de هذا التعاون على مرضات الله. كم من الناس, combien de frères ou de sœurs, ils étaient à la khair et ils faisaient des efforts في العلم ou في العمل, la science et la mise en application, à cause des mauvaises fréquentations, تعاونوا على الإثم والعدوان, ils se sont entraînés dans le mal avec certaines personnes et ils se sont égarés. Imma, ils ont délaissé العلم. Imma, عياذا بالله, ils sont tombés dans des groupes égarés. Imma, dans Ad-Dunya. On fait attention, le principal, c'est rid Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de satisfaire Allah azza wa jalla. Et pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois faire des efforts, tu dois faire des causes. Et parmi les causes, c'est هذا التعاون. لأن المؤمن avec ses frères, il est قوي. Et le mu'min seul, il est ضعيف et ça devient une proie de الشيطان. هذه الآية ça nous montre l'importance كذلك de l'ijtima, de l'jama'a, du groupe. Il y en a, pour t'entraider, il faut forcément un autre. فَلِهَذَا قَالَ عَزَّ وَجَلْ وَتَعَاوَنُوا. Vous avez remarqué que c'est au pluriel. Et entraidez-vous. لكن cette entraide, on répète قَوْلُهُ فَالْوَاجِبْ عَلَيْهِ فِيهَا أَنْ يَكُنْ اجْتِمَاعُهُ بِهِمْ وَصُحْبَتُهُ لَهُمْ تَعَاوُنًا عَلَى مَرْضَاتِ اللَّهِ وَطَاعَتِهِ. Ces deux points. L'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça doit être notre façon de s'entraider. Quand on s'entraide, on obéit à Allah Azzawajal. Ça implique qu'on s'écarte des péchés. Et notre objectif, c'est rid Allah. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il soit satisfait de nous. Même si les autres, ils ne sont pas satisfaits. Même si les autres, ils n'acceptent pas. Ce n'est pas notre objectif, les autres. Nahnu qasduna, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte nos œuvres. قال التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه ولا سعادة له إلا بها أي بالطاعة. Celui qui veut réussir, il n'y a qu'une voie. كما قال ابن القيم رحمه الله هنا التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه. Tu veux être heureux, tu veux réussir, entraide-toi dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fais des efforts fil ilm. Fais des efforts fil amal. Tawakkal ala Allah. Place ta confiance en Allah Azza wa Jal et choisis tes fréquentations. Ne te mélange pas avec tout le monde. Il y en a, c'est pas tout le monde qui veut s'entraider dans le bien. Là, Bardanas, ils veulent s'entraider fil char dans le mal. Et Bardanas, si tu les appelles à une chose qui contredit leur passion, ils feront tout pour t'appeler à leur passion. Qala rahimahullah. Wa hiya al-birru wa al-taqwa. اللذان هما جماع الدين كله البر والتقوى قال ابن القيم رحمه الله اللذان أي ces deux adorations البر والتقوى Alladhani huma jima'u ad-din kulli. Ça englobe toute la religion. Al-birr, ils traduisent par le bien. Al-taqwa, ils traduisent par la piété. Ou Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il va, dans ce premier fasl, dans ce premier chapitre, il va détailler qalilan ces deux mots et l'explication. Qala rahimahullah, وإذا أفرد كل واحد من الاسمين دخل فيه المسمى الآخر إما تضمنا وإما لزوما ودخوله فيه تضمنا أظهر لأن البر جزء مسمى التقوى وكذلك التقوى فإنه جزء مسمى البر وكون أحدهما لا يدخل في الآخر عند الاقتران لا يدل على أنه لا يدخل فيه عند الانفراد. الخلاصة pour simplifier هنا أن البر والتقوى quand ils sont cités sans l'autre mot, مثلا البر s'il est cité tout seul أو التقوى si elle est citée toute seule dans un texte, ça englobe l'autre. بعض العلماء يقولون إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. C'est comme l'islam ou l'iman. وهذا dans nos دروس On l'a étudié plusieurs fois. قال ونظير هذا لفظ الإيمان والإسلام والإيمان والعمل الصالح والفقير والمسكين والفسوق والعصيان والمنكر والفاحشة ونظائره كثيرة. En langue arabe, tu as plusieurs mots quand ils sont cités ensemble, comme al-birr ou al-taqwa. Chacun de ces mots il a un sens spécifique. Al-birr, on verra, on lira ensemble, inshallah, kalam d'un qayyim, rahimahullah. Al-birr, il a une définition. Al-taqwa, kadalik, ce mot, il a une définition. Quand un des deux il est cité, il englobe l'autre. Quand ils sont cités les deux, chacun, il a une définition. Et il a cité des autres exemples. On a al-iman ou al-islam. Al-iman ou al-amal al-salih, al-faqir ou al-maskin, etc. Ça nous montre l'importance de la langue arabe. Léanna, ce verset 1, قوله وتعاونوا على البر والتقوى. Si tu viens à traduire ces deux mots, البر والتقوى, le bien et la piété, tu ne vas pas pouvoir profiter sans la langue arabe de مثل هذا الكلام النفيس. Et cette explication de l'imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh. On doit faire des efforts en langue arabe. C'est la base pour comprendre les textes. Les textes, ils sont en langue arabe. Et تأمل هنا, cette règle qu'il a citée, combien de leçons tu vas pouvoir tirer? Et ça, c'est en langue arabe. Tu ne peux pas traduire tous les sens d'un mot dans une simple traduction. Abadan. قال رحمه الله وهذه قاعدة جليلة من أحاط بها زال عنه إشكالات كثيرة أشكلت على طوائف كثيرة من الناس. ولنذكر من هذا مثالا واحدا يستدل به على غيره وهو البر والتقوى. هذه القاعدة العظيمة qu'il a cité, c'est le fait, on répète, qu'en langue arabe, deux mots, s'ils sont cités dans un même texte, chaque mot il peut avoir une signification spécifique à lui. Même si les deux définitions, elles se rapprocheront. On avait vu هذا في شرح اسم الله عز وجل, اسم الرحمن et اسم الرحيم. Quand ils sont cités les deux, Ar-Rahman, c'est un ism qui englobe Sifatul Rahman, ay al-Dhatiya. Ay an Allah subhanahu wa ta'ala muttasifun bil-Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'attribut de Ar-Rahman. Ar-Rahim, bien sûr, il englobe ce nom kadhalik, il englobe Sifatul Ar-Rahman, lakin, huna c'est le fi'l, ala wazn fa'il. C'est une action. Enfin, tu comprends de ces deux noms, Ar-Rahman, Ar-Rahim, en Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'attribut d'Ar-Rahman, et Yarham man yasha' azza wa jal, et il fait miséricorde à qui il veut. Quand un de ces deux noms, il est cité seul, il englobe l'autre. Mathalan, surat Ar-Rahman, qawlu azza wa jal, Ar-Rahman, bien sûr, Allah c'est Ar-Rahman, il a l'attribut d'Ar-Rahman, et il fait miséricorde à qui il veut, as-siva al-fi'aliyya. Hadhihi al-qa'ida, si tu la comprends, en a certains mots, quand ils sont cités avec un autre mot, ils ont un sens. Et quand ils sont cités seuls, ils ont le même sens. قَالَ مَنْ أَحَاطَ بِهَا زَالَ عَنْهُ إِشْكَالَاتِ كَثِيرًا. Et ça, c'est globalement pour la langue arabe. أَنَّ كَثِيرٌ مِنَ الْإِشْكَالَاتِ. Anakathiran min al-ishkalat, plutôt. La cause, c'est la faiblesse de la langue arabe. Et vous avez remarqué, plus on s'est écarté de la période du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons radiyallahu anhum, plus la langue arabe elle a faibli. Et dans la communauté, la langue arabe c'est la langue arabe. Lakin, la pratique de la langue arabe, l'apprentissage de la langue arabe, parler avec la langue arabe, à cause bien sûr de beaucoup de causes, que ce soit la colonisation ou les ennemis de l'islam ou le fait que beaucoup de a'ajim, des noms arabes, wallahi alhamd, ils sont rentrés fil islam, muhim. La langue arabe, elle a perdu de sa valeur et de sa quwwa et de sa force avec le temps. Et ça, c'est une des causes. أنه دخلت الشبهات في كثير من قلوب المؤمنين. Beaucoup de croyants, ils ont des ambiguïtés. Dans certains points, les mains, les anoum, ils n'ont pas cet outil. هذه الآلة العظيمة. Pour comprendre les textes, Al-Qur'an ou Al-Sunnah. قال ولنذكر من هذا مثالا واحدا يستدل به على غيره وهو البر والتقوى. Et c'est lié bien sûr avec notre dars. Et l'explication de قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. Donc il va expliquer cette règle avec ces deux mots. البر والتقوى. Et il va donner un sens pour chacun de ces mots. قال فإن حقيقة البر هو الكمال المطلوب من الشيء والمنافع التي فيه والخير كما يدل عليه اشتقاق هذه اللفظة وتصاريفها في الكلام سمو البر قوله عز وجل والتعاون على البر والتقوى il a commencé par le bir حقيقة البر أي la définition correcte de le bir C'est quoi? C'est al-kamal al-matloub min al-shay, wal-manafi al-lati fihi wal-khayr. Aïe, tout ce qui contient du bien et tout ce qui est profitable pour les autres, c'est min al-bir. Qala, rahimahullah, wa minhu al-bur bil-dham li kathrati manafi'ihi wa khayrihi bil-idafati ila sa'ir al-hubub. Prends maintenant al-bur. Vous avez remarqué que c'est les mêmes lettres que le bir. Il n'y a que la prononciation qui change. Al-bir, c'est bi al-kasr et al-bur, c'est bi al-dham. Al-bur, qala bi al-dham li kathrati manafi'ihi wa khayrihi bil idafati ila sa'ir al-hubub. Parmi les graines, une des plus profitables, c'est al-bur, aïe le blé. Combien de gens, ils sont dépendants de hadha al-bur? Les malades, les anomies cuisinent avec, ils font le pain avec, ils font beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup de fawa'id. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé bur, ça vient de bir. Et ça a la même racine. قال ومنه رجل بار وبر وكرام برر والأبرار. Tous ces mots, ça vient de cette racine. Al-bir, la lettre ba, r. رجل بار وبر. C'est un homme qui est pieux ou qui fait beaucoup de bien. وكرام برر والأبرار الأبرار سيجمع بر قال فالبر كلمة لجميع أنواع الخير والكمال المطلوب من العبد Tu as remarqué que si tu as compris أن البر c'est un mot qui englobe أنواع الخير tout le bien tu vas comprendre أن التقوى كذلك c'est du bien donc التقوى elle rentre dans le بر On revient à notre règle أن كنت Un de ces deux mots, il est cité seul, il englobe l'autre. Al-birru, c'est le bien, ça englobe at-taqwa. Et on verra qu'adalik at-taqwa, quand il est cité seul, elle englobe le mot birr. Qala wa fi muqabalatihi al-ithmu wa fi hadith an-Nawas ibn Sam'an radiyallahu an anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala lah ji'ta tas'alu an al-birri wal-ithm qala fal-ithmu kalimatun na'am نعم جئت تسأل عن البر والإثم نعم انتهى الحديث تقدم معنا كثيرا إليه في صحيح مسلم قال فالإثم كلمة جامعة للشر والعيوب التي يذم العبد عليها L'opposé de البر c'est الإثم البر c'est le bien الإثم c'est le mal et Et là, c'était قول النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسأل عن البر عن البر والإثم. أي le prophète صلى الله عليه وسلم قال tu es venu demander sur le bir wal ithm, أي le bien et le mal. Ibn al-Qayyim رحمه الله قال فالإثم كلمة جامعة للشر. أي c'est un mot qui englobe le mal. Allah سبحانه وتعالى قال فتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تستفيد من هذا أن n'importe quel bien fait des efforts pour t'aider avec tes frères musulmans. Et n'importe quel mal, petit ou grand, écarte-toi-en et surtout ne t'entraide pas avec un autre pour ce mal. لماذا لأن الله عز وجل نهى il nous a interdit ذلك ولا تعاونوا et ne vous entraidez pas dans الإثم والعدوان. قال فيدخل في مسمى البر الإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة. Donc الإيمان et bien sûr tous les piliers de la foi, que ce soit كذلك tous les fondements de la foi, كذلك que ce soit l'iman avec la langue ou avec le cœur ou avec les membres, tout ça ça rentre في البر. قال ولا ريب أن التقوى جزء هذا المعنى. Et il n'y a aucun doute que la taqwa, ça fait partie كذلك de l'iman. Et l'iman et taqwa, ça rentre dans le bir. لماذا لأنه c'est du bien. قال وأكثر ما يعبر بالبر عن بر القلب وهو وجود طعم الإيمان فيه وحلاوته وما يلزم ذلك من طمأنينته وسلامته وانشراحه وقوته وفرحه بالإيمان. كذلك هنا إلى نبه أن البر souvent il est utilisé par rapport aux actes du cœur. البر أي بر القلب أي le bien qu'il y a dans le cœur. نعم comme الطمأنينه comme السلام comme السلام comme انشراح هذا القلب سقوة etc. أي le cœur الأصل c'est que c'est dans la foi plutôt الأصل c'est que c'est dans le cœur. قال إن للإيمان فرحة وحلاوة ولذاذة في القلب فمن لم يجدها فهو فاقد للإيمان أو ناقصه. نعم أن هذا الإيمان له حلاوة إلى une saveur. Celui qui ne ressent pas cette saveur, إِمَّا إِلَا قَلْ إِيمَانِ عِيَدًا بِلَحَالَ الْكُفَارِ les mécréants, كَدَلِكَ الْمُنَافِقُونَ les hypocrites, إِمَّا إِلَا des faiblesses dans sa foi. C'est un croyant, لكن son cœur il a durci, il ne ressent plus cette saveur de l'Iman. Et l'Iman, on répète, c'est des paroles, c'est une croyance dans le cœur, et كَدَلِكَ c'est des actes. Il ne ressent plus de goût, plus de saveur quand il fait salat, quand il lit le Coran, quand il fait siyam, dans l'entraide avec ses frères, etc. Ah là, il a un problème. Il a un problème, son cœur, il a durci l'iman, son iman, il est descendu. Si c'est un croyant, bien sûr. Et ce iman, il est descendu, l'iman, certaines causes. Et la principale cause, c'est les péchés. Et la principale cause, c'est l'entraide dans ces péchés. قال رحمه الله فمن لم يجدها فهو فاقد للإيمان أو ناقصه وهو من القسم الذين قال الله عز وجل فيهم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذه الآية إلا ستي رحمة الله عليه pour montrer أن المؤمن il peut avoir un إيمان très très bas. فلهذا قال فهؤلاء على أصح القولين مسلمون غير منافقين وليسوا بمؤمنين. Donc ce verset, العلماء اختلفوا اختلافا واسعا. Les savants ils ont beaucoup divergé sur l'explication de ce verset. قوله قل لم تؤمنوا أي dites vous n'avez pas cru. قل لم تؤمنوا أي vous n'avez pas cru. ولكن قولوا أسلم لا ولكن dites nous sommes des musulmans. Donc, dans ce verset, tu vois clairement une différence entre l'Iman et l'Islam. فبعض العلماء قالوا أن هؤلاء الأعراب قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. Certains, ils ont dit أن هؤلاء الأعراب, الأعراب, ils traduisent par les bédouins, c'était pas des croyants, c'était des hypocrites. لماذا لأن الله عز وجل قال قل لم تؤمنوا. أي, vous n'avez pas cru. Dites, vous ne croyez pas. Donc, بعض العلماء قالوا c'est des hypocrites. لماذا لأن الله عز وجل قال ولكن قولوا أسلمنا. et ils ont fait apparaître l'islam et ils ne croyaient pas. Et ça, c'est la définition de l'hypocrite. بعض العلماء كالإمام ابن القيم رحمه الله قال فهؤلاء على أصح القولين مسلمون غير منافقين. ابن القيم رحمه الله il a choisi le قول أن هؤلاء الأعراب c'était des croyants, c'était des musulmans, لكن ils avaient un iman faible. فلهذا قال وليس بمؤمنين أي بمؤمنين avec un iman قوي أو كامل. Ils avaient des faiblesses dans leur foi. إذ لم يدخل الإيمان في قلوبهم فيباشرها حقيقته. قوله حقيقته سنمونتر هنا أن ابن القيم il a choisi هذا القول أن هؤلاء ils avaient pas حقيقة الإيمان أي un إيمان قوي كامل. Ils avaient des faiblesses et des manquements. راجع pour celui qui veut détailler هذه المسألة كتب التفسير عند هذه الآية من سورة الحجرات Le verset 14, Al-Ulama, Al-Mufassirun, ils ont cité les arguments de chacun de, des savants qui ont choisi ces, ces deux avis, ou un des deux avis. Wa min ahsan man bayyana wa sahala, il a facilité cette mas'ala, l'imam Ash-Shanqiti rahmatullah alayhi dans son tafsir. Il a cité les deux avis et il a choisi, rahmatullah alayhi, anna ha'ula c'était des munafiqoun. لماذا لأن الله عز وجل قال قل لم تؤمنوا vous n'avez pas cru لم تؤمنوا نفع عنهم الإيمان alors que le مسلم il a شيء من الإيمان tu peux pas dire à un croyant لم تؤمن فهكذا il a montré الإمام الشنقيطي رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام ابن القيم et d'autres ils ont dit là le fait de dire لم تؤمنوا ça veut pas dire أنهم ils ne croient pas كما تقدم معنا في الواسطية قوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي celui qui fait الزنا il ne peut pas être مؤمن أي مؤمن كامل الإيمان donc على كل حال يا خلاف واسع بين أهل العلم في هذه المسألة كذلك parmi ceux qui ont choisi أن هؤلاء c'était des hypocrites on a cité l'imam الشنقيطي قبله الإمام البخاري رحمة الله عليه dans الصحيح Et l'imam Nukathir, rahimahullah, dans son tafsir, il a choisi annahum, c'est des croyants, lakin avec, c'était des croyants, lakin avec une foi très faible. على كل حال, قال rahimahullah, وقد جمع الله تعالى خصال البر في قوله. نصبر au début de cette risala, l'imam Nukathir, rahimahullah, il a cité des masail fil lugha. C'est pour ça qu'on essaye de simplifier et de passer. ثم les prochains فصول les prochains chapitres inshallah ta'ala ça sera des conseils sans rentrer dans les détails de la langue arabe قال هنا وقد جمع الله تعالى خصال البر في قوله ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب هذه الايه الامام ابن القيم رحمه الله il a cité لماذا لان الله عز وجل جمع il a cité خصال البر أي les caractéristiques de celui qui a le bir أي c'est quoi le bien dans ce verset فتأمل معي قال عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب c'est pas ça le bir de se diriger du côté de المشرق de l'Orient ou de l'Occident أي قوله ليس البر أي ليس كل البر لأن هذا ça fait partie de le bir مثلا le fait de se diriger en direction de la Kaaba pour faire الصلاة ça لا شك c'est من البر ça fait partie du bien لهذا الله سبحانه وتعالى أمرنا لكن c'est pas que ça la preuve c'est que les hypocrites ils se dirigeaient en direction de la Qibla et c'était des hypocrites والمنافقون ils seront في الدرك الأسفل من النار كما أخبر الله عز وجل ils seront plus bas fond de l'enfer donc notre din il est fondé sur des fondements bien sûr que les actes apparents comme le fait de se diriger en direction de la Qibla le fait de faire ruku al sujoud le fait de dire le bien le fait de s'habiller comme un musulman bien sûr ça fait partie de l'bir lakin ces choses ça sera profitable si c'est fondé sur l'iman C'est pour ça que le Mufassirun cite بعض الكلام أي من أسباب النزول parmi les causes de la révélation de ce verset أن المشركون وبعض اليهود بعض النصارى يكريتيكي المسلمون quand ils ont changé de قبلة. Et بعضهم يبخيتاندي que leur قبلة elle est meilleure que celle des مسلمون. Et eux ils se dirigent vers القدس vers Jérusalem et les مسلمون ils se dirigeaient vers الكعبة ils prétendaient أنهم ils étaient meilleurs. قال عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. C'est pas ça le véritable bien. Oh, le bien, il n'est pas fondé que sur ça. قال عز وجل ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. C'est ça le bien. Tu veux le bien, أخي الكريم? Apprends ta aqida. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité les fondements de la croyance, les piliers de la foi. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. Le bien, c'est quoi? C'est de croire en Allah. Et croire en Allah, subhanahu wa ta'ala, et l'unifier dans l'adoration. L'unifier dans Ar-Rububiyya. Nahu, c'est lui le créateur, c'est lui qui gère tout, Azza wa Jal. L'unifier dans ses noms et ses attributs. C'est ça le bien. Le bien, c'est quoi? Qal, wal yawm al-akhir. Croire au jour dernier. Croire en tout ce qui arrivera après la mort. Tout ce qu'il y a à la tombe, à la résurrection, au compte. Au sirat, au haud, bien sûr, le paradis et l'enfer. C'est ça le bien. قال والملائكة والكتاب والنبيين. La foi aux anges, aux livres, et كذلك aux prophètes et aux messagers. قال وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. فتأمل هذا. أن مع هذا الإيمان le bien il est fondé sur la foi. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal, quand il a défini l'iman, ولكن البر, c'est quoi? Il a cité Azza wa Jal les fondements de la foi. قد يقول قائل, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a pas cité la foi au destin, alors que la foi au destin, c'est un des piliers de la foi. Ahlul ilm yaqulun, anna dans ce genre de verset, quand le destin il est pas cité, c'est que le destin il rentre fil iman billah. Le destin, c'est quoi? C'est la croyance que Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout, il a tout écrit, c'est lui qui a tout créé, et chaque chose qui se passe, Allah, il l'a voulu. Ça fait partie de l'iman, billah. Donc, le destin, quand il est pas cité, il rentre dans la croyance en Allah, azza wa jal. Après avoir cité cette croyance, قال azza wa jal, وَآتَ الْمَالِ فَتَأَمَّلْ هَذَا وَآتَ الْمَالِ عَلَى حُبِّهِ. Et malgré que ce croyant qui est Albert, il aime l'argent, l'être humain, il aime l'argent, malgré cela, il donne, il s'entraide avec les autres. قَالَ ذَوِي الْقُرْبَى les proches, الْيَتَامَى les orphelins, الْمَسَاكِينَ les pauvres, وَابْنِ السَّبِيلِ les voyageurs, وَالسَّائِلِينَ et ceux qui demandent, ceux qui ont un besoin. قَالَ وَفِي الرِّقَابِ كَذَلِكَ tout ce qui concerne tout ce qui concerne les esclaves. قال واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم. تامل après avoir cité la foi, ثم avoir cité des adorations qui sont liées aux autres créatures comme les pauvres etc. Allah subhanahu wa ta'ala il a cité كذلك des adorations qui sont réservées que pour lui azza wa jalla. Toutes les adorations elles sont réservées qu'à Allah. واقام الصلاه واتى الزكاه. Ça nous montre ان البر أن la foi, c'est pas qu'une parole. كذلك la foi, c'est pas que dans le cœur, comme ils prétendent certains ignorants. قال عز وجل وأقام الصلاة. هذا صاحب البر. C'est ça le مؤمن. أنه il fait la salat. قال وآت الزكاة والموفون بعهدهم. كذلك le comportement. أنهم quand ils prennent un engagement, ils respectent cet engagement. قال إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء. الصابرين في البأساء والضراء أي ceux qui patient في البأساء بعض المفسرين يدس في الجهاد الضراء c'est les épreuves كما تقدم معنا في رياض الصالحين عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير إذا أصابته الضراء صبر quand il est touché par un mal il patiente. Ce mal, ça peut être une maladie, ça peut être la perte d'un proche, ça peut être la pauvreté. قال وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. C'est eux, c'est ceux-là qui sont véridiques et c'est eux المتقون. Vous avez remarqué que Allah subhanahu wa ta'ala, le début du verset قال ليس البر ثم عز وجل il a montré c'est quoi le bir ثم à la fin du verset قال وأولئك هم المتقون. Ça nous montre هذا أن المتقي celui qui craint Allah عز وجل forcément il a le bir. C'est pour ça que quand un des deux il est cité seul il englobe l'autre. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فأخبر سبحانه أن البر هو الإيمان به وملائكته ونعم الإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. On a précisé pourquoi le destin il a pas été cité. Quand il est pas cité, il rentre dans la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. قال وهذه هي أصول الإيمان الخمس. Et في الحديث six, six piliers de la foi. Et quand c'est cinq, donc le destin rentre dans la foi en Allah. Et quand c'est six, le destin il est cité seul. Et هذا y a aucun mal. On a le verset qui prouve les cinq fondements et on a le hadith qui prouve qu'il y en a six. قال التي لا قوام للإيمان إلا بها. هذا ça nous montre أن le bien il est fondé sur العقيدة. فلا تغتر بأعداء الله ولا تغتر بأهل الضلال. Qui essaye de montrer le bien à la communauté. Vous avez remarqué que tout le monde appelle au bien. Tout le monde prétend appeler au bien. Lakin il faut définir le bien. البعض عندهم le bien c'est que l'entraide avec les autres. Et encore, les autres, ils vont voir c'est qui, c'est choisi. Amma indana la, le bien, il est fondé sur l'aqida. Ça nous montre quoi, hada? Ça nous montre, anna celui qui ne fait pas d'effort pour apprendre sa aqida, ou encore plus grave, qui combat cette aqida, qui délaisse cette aqida, il n'est pas sur le bien. Même si il aide un tel, même si il prétend faire du bien, etc. قال عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. Le bien ce n'est pas que de se diriger en tel endroit ou faire telle chose ou aider tel pauvre ou aider les orphelins, ça fait partie du bien. لكن c'est utile si c'est fondé sur les piliers de la foi et bien sûr الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Celui qui la délaisse, il a mécru. Et là, chacun a celui qui a mécru, il n'a pas de bien. قال ابن القيم رحمه الله وأنه الشرائع الظاهرة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنفقات الواجبة. C'est ça le bien. Le bien, c'est dans le cœur, bien sûr, les piliers de la foi. كذلك le bien, c'est apparent, comme le fait d'accomplir la salat, de donner la zakat. كذلك النفقات الواجبة, le fait de remplir sa responsabilité. مثلا celui qui est marié, obligatoirement, c'est lui qui doit faire des efforts pour s'occuper de son foyer, etc. قال وأنه الأعمال القلبية التي هي حقائقه من الصبر والوفاء بالعهد. Et ça c'est من أقوى الأدلة أن الإيمان والبر c'est des paroles, des croyances avec le cœur, une croyance avec le cœur et des actes avec les membres. Et parmi البر الصبر ولله الحمد هذا الصبر c'est notre c'est le sujet de notre deuxième dars, l'explication de كتاب الصبر ده باب الصبر ده رياض الصالحين. قال فتناولت هذه الخصال جميع أقسام الدين حقائقه وشرائعه والأعمال المتعلقة بالجوارح وبالقلب وأصول الإيمان الخمس. نعم. Donc البر il englobe tout cela. C'est pour ça que البر والتقوى s'englobe جميع الدين. كما قال ابن القيم on répète رحمه الله قال البر والتقوى اللذان هما جماع الدين كله. البر والتقوى s'englobe toute notre religion, que ce soit la croyance ou les paroles ou les actes. ثم قال رحمه الله ثم أخبر سبحانه أن هذه خصال التقوى بعينها فقال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نعم. Dans ce verset, le lien entre التقوى والبر est dans notre prochain درس إن شاء الله تعالى. On commencera la lecture de ما يتعلق بالتقوى ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. On répète أن ces premiers chapitres ابن القيم رحمه الله نعم إلى cité ما يتعلق باللغة des définitions فنصبر ونستفيد. Et après, ça sera beaucoup plus simple, Inch'Allah. Et on passe, bi'idnillah, à notre deuxième dars.